En cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard panoramique à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement, vient l'inspiration. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. On va faire les grandes entrevues. C'est probablement l'un des plus vieux collaborateurs avec moi depuis l'ouverture de DanRadioSports.com. Ça fait déjà 13 ans. On a déjà Bernard Barré, qui est un grand connaisseur de boxe, qui est un promoteur de boxe, qui vit dans la boxe depuis le tout début. Ben, on parle toujours de boxe, mais jamais qu'on parle un peu de lui. Et comment il a vécu la boxe et comment que ça s'est devenu son sport. Et ben, aux grandes entrevues aujourd'hui, on accueille Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, première question, le sport, ça a venu quand le goût de la boxe pour toi? Ben moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe. J'ai passé ma vie à Saint-Hyacinthe. Il n'y a pas de club de boxe à Saint-Hyacinthe. Je ne pouvais pas avoir ben des modèles. Sauf que mon père aimait la boxe et il allait, lui, au Centre Paul Sauvé à l'époque dans les programmes de Régis Lévesque. Puis moi, quand j'étais un discute 10-12 ans, mon père venait avec son billet de boxe. Puis Régis, ce qu'il faisait, il mettait le visage des deux finalistes. Okay. Il mettait juste le visage. Puis là, moi et mon père venaient, puis il me donnait le billet de boxe. Puis là, moi, je me faisais des combats dans ma tête, puis je m'imaginais plein d'affaires. Mon père me contait comment ça s'était passé. Puis, moi, en tout cas, je suis fantasmant là-dessus, moi, là, la boxe, sans le savoir. Puis, à un moment donné, à la télé, il a commencé à en avoir un petit peu samedi après-midi, World of Sport. Il a commencé à avoir des combats, il en passait un de temps en temps. Mm. Par hasard, à un moment donné, en pitonnant avec la roulette, tombé là-dessus, toi. Hypnotisé bien raide, là. Mais il serait passé en avant, là, je voulais le péter à la gueule, là, juste. Ça, c'était Howard Castle et Mohamed Ali, là. C'est ça. Fait que là, okay. Ouais, mais c'est à d'autres combats. Là, c'était le samedi après-midi, World of Sports. Puis, quand j'ai vu mon premier combat de boxe, là, j'ai fait aïe, aïe, tu sais. Là, j'étais carrément hypnotisé, plus capable de bouger. Puis, je regardais ça, puis j'étais tellement impressionné. Puis, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, là, quand j'avais 18-19 ans, j'ai commencé à avoir une voiture, un peu d'argent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait un peu. Avec un de mes chums, on a dit, hey, on va aller à la boxe à Paul Sauvé, on va essayer ça un coup, on va aller voir ça. On a juste assez d'argent pour se rendre à peu près. Fait que finalement, on s'en va là. Le premier combat, quand les boxeurs, on sait qu'en ouverture, c'est pas des grands champions. Après le premier round, j'étais debout, puis je me disais, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. C'est qui le combat, si t'en rappelles-tu? J'ai toujours voulu faire. Tu t'en rappelles-tu du combat qui était les. Alfred Lagacé de Chicoutimi, il faudrait que je retrouve un petit peu contre qui, là. Ouais. Mais c'est en 1977. Okay. Et puis, il me semble que c'est lui, Lagacé, là, de Chicoutimi, qui en gagnait plus qu'il n'y en a pas. Oui, Lagacé. Je viens de la région, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est sûr que c'est Stéphane Ouellet. Ça te donne une idée, là. Ouais. Fait que, il me semble que c'est ça. Il faudrait que je vérifie. De toute façon, j'aurais pas de la misère à retrouver ça. Mais, cette soirée-là, en finale, c'était le combat Guerrero-Chavez contre Clark Gray, combat de championnat canadien. Et puis, chez les mi-moyens. Et puis, mars 77. Le lendemain, j'étais à l'époque, mais là, c'est sûr que tu appelais 411, 911 pour avoir les numéros de téléphone. On n'a pas équipé pour ça pendant tout. Là, j'avais demandé à téléphoner, j'ai dit, monsieur, là, moi, j'ai, madame, aidez-moi, je vais avoir un coup de bas, je reste à Saint-Hyacinthe. Là, ils ont dit, on n'est pas engagé pour ça, nous autres, on fait des recherches. Là, j'ai surveillé les pages jaunes, je ne pas checker à quelque part. Finalement, elle avait été tellement fin qu'à madame qu'elle m'avait trouvé un club à Ville-le-Moine. Ville-le-Moine qui est devenu Greenfield Park. Greenfield Park qui est devenu Longueuil, filié à Longueuil. Bon, fait que moi, c'est à trois quarts d'heure de chez nous. Là. Mm. Pas de pont à traverser à ce moment-là. Fait que moi, là, dans la même semaine, je suis rendu là. Je n'en pouvais plus. Ça, c'est le gymnase de M. Prévost à Ville-le-Moine. Mm. Et M. Prévost, son fils, est allé aux Jeux olympiques de 1976. Ça n'a pas bien été pour lui. Il avait été disqualifié. Fait que je suis arrivé dans un gymnase où c'était un petit peu, en même temps, c'était pas hop la vie, mais moi, je m'en foutais, là, j'étais tellement content. Ça, c'était en mars 77. Et puis, l'entraîneur en chef, c'était Jeff Allain. Et Jeff Allain avait représenté le Canada aux Jeux olympiques de 1960 à Rome, en même temps que Gabby Mancini. Okay. Fait que c'est là que j'ai commencé à apprendre la boxe et à faire du sparring, puis à me faire aller. Mais le club n'était pas très vigoureux, parce que comme je te dis, Prévost, ça va pas bien été aux Olympiques, tout le monde avait à faire le basse pas mal. Mm. Fait que finalement, ben là, il n'y a pas de compétition alentour. Moi, je me tenais là deux fois par semaine, puis des fois, j'allais sur le pouce quand mon char faisait défaut, ça te donne une idée, là. J'allais être mordu en maudit quand je revois ça avec le recul, là, tu sais. M'en allais à 116, tu le pousses en short, là, tu sais. Fait que finalement, au bout de la ligne, moi j'avais un de mes chums, Daniel Michel, c'était le frère d'Yvon Michel. Puis Yvon boxait pour l'Université de Trois-Rivières. Puis moi, à l'époque, j'allais au Cégep de Saint-Hyacinthe. Puis j'étais allé sur le tard au Cégep, là, parce que j'ai repris mes études plus tard. Là, j'étais pas à la famille à 18 ans. Fait que c'est sûr qu'il était poigné pour travailler. Et puis quand Daniel Michel me dit, hey, mon frère bosse gants dorés à Sorel. À Sorel, il y a les gants dorés, puis mon frère boxe, puis il se bat contre Gaston Bégubé. Gaston Bégubé, c'était le goon du hockey à l'époque, un gars de Sept-Îles. Puis Bécomo plutôt. Okay. En tout cas, c'était un dans le public, là, puis lui, il avait commencé à faire de la boxe, puis il knockait tout le monde. Fait que, il dit, mon frère, ben là, moi, je me considérais comme un boxeur, moi, là, faisant un an maintenant. Fait que, ouais, effectivement, Yvon, ça n'a pas bien été pour lui. Yvon, c'est plus un milou, là. Là, il se ramassait avec un gros bonhomme, là. Fait que ça n'a pas bien été pour lui. Okay. Ben, finalement, quand j'ai vu Yvon, après, je le connaissais vaguement, Yvon, parce qu'il est resté à Saint-Hyacinthe une couple d'années avant de partir pour les études. Et puis, il me dit, hey, c'est toi, tu t'en viens à Montréal, tu vas venir à Trois-Rivières, tu vas venir à l'université l'année prochaine, tu fais le club d'université, Jim Girard, puis Hawaii donc, puis viens t'essayer, tant qu'elle est à Montréal, viens à Trois-Rivières, tu seras déjà rendu. Fait que finalement, je suis allé à Trois-Rivières, puis là, j'ai cliqué avec Jim Girard, puis commencé à me faire des combats, puis deux fois les gants dorés, puis bon, mais ça a fait que j'ai boxé de 1977 à 81. Je servais beaucoup de partenaires d'entraînement à l'époque, là, pour toutes sortes de gars. Mais moi, j'étais à Saint-Hyacinthe. Tu comprends-tu que j'étais pas vraiment dans la place, là. J'étais comme vraiment l'étranger, là, tu sais. Mais, finalement, en 1979, même si j'ai continué jusqu'en 81 à Trois-Rivières, en 79, moi, je travaillais comme coordonnateur sportif. J'ai eu un emploi. Coordonnateur sportif d'un centre de loisirs à Saint-Hyacinthe. Puis, je suis venu à bout de vendre. Ça n'a pas été facile à ce moment-là, vendre la boxe. J'ai vendu la boxe pour essayer de partir quelque chose à Saint-Hyacinthe. Là, ils m'ont dit, t'as une heure par semaine dans le gymnase, t'amènes ton stock, on fournit rien, t'as besoin de flyer au bout de ton heure, parce que déjà, là, les madames sont pas contentes. Parce qu'à l'époque, la boxe, ça était représentée en 79, ça commençait avec les Hilton, ça commençait avec les films Rocky, la violence, là, à ce moment-là, là, j'avais pas beaucoup d'appui. Il fallait que je convainque les gens que ça avait de l'allure. Les autres pensaient là, que la bataille prendrait en dedans. Puis t'avais eu Gaëtan Hart aussi, si je me m'abuse, que dans ces années-là, qui avait tué Cleveland. Ben, tué. C'est une manière de parler, là, mais c'était dans ces années-là. Pour tous les nommer Cleveland Denis, là. C'est ça? Ouais, Cleveland Denis était là, Gaëtan Hart, puis. T'as ressemblé à Marc Donato Padoano. Non, mais quand Hart a fait en sorte qu'il avait battu Clément Denis, puis Denis était mort, était décédé. Ça, c'est 80, je pense, hein? Oui, ça, c'est au Stade Olympique contre Clément Denis. Donc, c'était avant Clément Denis, OK? Donc, c'était avant Clément Denis, cette affaire-là. OK, c'est bon. Continue. Puis avant lui, ben, il y avait eu René Cantin qui avait battu Danny Tucker, puis malheureusement, Tucker est mort lui aussi. Mais là, c'est nos deux gros événements malheureux avant ce qu'on a vécu avec Stevenson, qui heureusement va bien, puis Zapata qui est décédé, Zacharias Zapata, la demoiselle du Mexique est décédée. Ça, c'est les événements malheureux. Mm. Fait que, juste pour te dire qu'en bout de ligne, moi, ben, en 79, je suis venu à bout de peine et de misère à partir d'un petit club de boxe à Saint-Hyacinthe. J'ai gagné du galon d'une fois à l'autre. Je les ai emmenés d'un jeu du Québec régionaux, une couple de mes boxeurs. Après ça, je les ai emmenés au Grand Doré, des affaires comme ça. On a monté des marches pour finalement, aujourd'hui, il y a deux clubs de boxe à Saint-Hyacinthe. Il y a le club de Saint-Hyacinthe et il y a le club des apprentis champions de Steve Chaquette. Saint-Hyacinthe, c'est Marseille. C'est deux de mes anciens boxeurs. Fait que c'est comme un héritage que j'ai. Les deux clubs sont supportés par la ville. Je suis vraiment content de ça. Bernard, je vais revenir sur toi, là, parce que on pourrait en parler longtemps. Là. Donc, tu arrives en 79, tu arrives, t'as pas beaucoup d'appui, tu veux monter la boxe, ainsi de suite. Puis là, arrive l'incident de Gaétan Hart et Cleveland Denis, évidemment. Ça a été des bonnes choses quand même. Mais c'est dans toutes ces années-là, là, t'as essayé quelque chose, mais la boxe avait pas une belle réputation. Si t'avais tout le côté mafieux un peu, Cotroni, puis t'as pas clean dans ces années-là. Là. Non, mais c'est pour ça, là, puis de convaincre les gens, de convaincre les gens que ça avait de l'allure. Les jeunes, ils associaient, à c'est simple, là, ils associaient boxe égale violence. C'est la finale bâton. Donc, tout boxe, crime organisé aussi, tu peux être sûr, crime organisé aussi, c'était ça un peu, là. Aussi, parce que, on attendait tout ça. M'a dit que ça n'a pas été fallu que je bûche en maudit et que je fasse mes preuves. Il fallait pas que je fasse un pas de côté parce que tout le monde s'apprête à sacrer tout ça dehors. Fait que c'est à partir tranquillement, mais finalement, je suis venu à bout de monter ça. J'ai tellement monté ça qu'à un moment donné, j'ai attiré l'attention de la fédération parce que mes boxeurs sont venus bons quand même assez vite, avec peu de moyens. C'était qui tes boxeurs? Ton leader, c'était qui? Alain Chauvin qui a fait plus de 100 combats, 5 combats chez les professionnels, plus de 100 combats chez les amateurs. Patrick Allard aussi. Est-ce que c'est des gars qui avaient eu talent dans l'eau professionnelle? Mais là, aujourd'hui... Je pourrais pas dire. J'étais pas rendu à ce niveau-là. Okay. Mais là, aujourd'hui, ça aurait-tu pu aller loin? Ça aurait-tu pu... Aujourd'hui, oui, mais regarde, il y a eu Sébastien Demers qui est sorti du club de Saint-Hyacinthe. Okay. Qui s'est rendu en combat de championnat du monde. Ça, c'est celui qui s'est rendu plus loin dans notre groupe à partir d'ici. Mais c'est certain que moi, là, mon objectif, ça n'a jamais été d'envoyer un gars chez pro. Mon objectif, c'est d'envoyer un gars aux Jeux olympiques. Ça a toujours été ça, puis ça l'est encore. Fait que j'ai encore parlé un matin avec l'entraîneur, là, le fils de Marc Seignan, Anthony. J'ai dit, Anthony, si tu réussis ce shot-là, lui, il est rendu entraîneur avec son père. J'ai dit, moi, ça, là, c'est mon rêve de me rappelle d'envoyer. Depuis notre longue conversation, Bernard, depuis notre longue collaboration, je me rappelle de Francine Tétou. Quand il avait passé chez les pros, tu te posais de grosses questions. Puis quand tu regardes ça, Frenzy, c'est pas mal fini sa carrière. Avec le recul, c'est probablement que. C'est sûr. Moi, j'aime ça quand les jeunes boxeurs amateurs ben, montent les marches. Ils vont gagner bronze, ils vont gagner d'argent, ils vont gagner doré, ils vont sur l'équipe canadienne, ils vont au championnat canadien, ils se qualifient, ils représentent le Canada, ils se promènent international, ils prennent de l'expérience, ils sont encore des meilleurs au monde. Ils vont peut-être aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux panaméricains, aux championnats du monde amateur, aux Jeux olympiques. Puis là, après ça, là, t'es tout fouette, là. Là, tu y vas chez pro. Là, t'es prêt à tabarnouche. Là, t'as fait tes classes. Bon, parce que moi, écoute, c'est le chemin que je vois, là, pour la réussite, si tu veux. Parce que les boxeurs qui vont aux Jeux olympiques, généralement, ils ont des belles carrières amateurs. Ouais. Il peut y en avoir qui vont se planter, qui vont manquer le coup. Généralement, si tu te qualifies pour les Olympiques, t'es équipé pour aller. Moi, je me rappelle de Sean O'Sullivan et de Willie DeWitt. C'est les premiers que je me rappelle d'eux autres. Là. Ça a pas été, O'Sullivan et Willie DeWitt, ça n'a pas été des grands succès. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais en tout cas, je ne jouais pas à boxe. Le problème qu'eux ont eu, là, ils ont été trop longtemps. Eux étaient au sommet. Là. Ça a été des champions du monde là, en boxe amateur. Ouais. Ça a gagné là, des affaires. Mais on les voyait boxer en chez Cal. Là. Ouais. À la Coupe du monde en 1981. À Montréal, là, quand O'Sullivan a battu le Cuba Hernandez, on était en train de virer fou toute la gang. Mais eux autres, O'Sullivan puis DeWitt, c'était de la boxe physique. C'était pas des fins de styliste. Puis là, ils ont tellement resté là parce que. T'es-tu là? Bernard, t'es-tu 1-2? réussi quand même à se rendre dans les sommets un petit peu. Ouais. Mais tu voyais que c'est eux autres qui ont trop attendu. Il y a eu un timing là, pour la boxe. Autres, il y a un, faut que tu sois bien encadré aussi. Ouais. Si tu t'en vas pas fait... là, bric-à-brac. Là. Je me rappelle au jeu de Los Angeles, il s'était fait avoir un peu. Mais on va revenir à toi, là. Donc, arrive, parce que c'est l'entrevue, c'est sur toi. Donc là, arrive, là, tu me parles de ta passion pour des Olympiques. Ça, c'est à peu près 81-82. Il se passe quoi après ça pour toi? Bon, ben moi, j'ai commencé à avoir des gars qui perçaient l'équipe du Québec. Okay. Fait que, au début des années 80. Puis, à ce moment-là, le programme national de certification des entraîneurs commençait à débloquer. Ça, c'est un programme qui chapeaute tous les sports au Canada. Donc, là, tu sais, technique, théorique, puis pratique, puis c'est de la job. Bon, mais moi, je m'étais dit, je veux pas, mes entraîneurs, je veux rien dire contre eux autres. John Burrard, il a tout fait son possible, puis aller ligne, puis toute la gang. Mais tu sais, tu voyais que là, techniquement, il manquait un bout. Fait que moi, je m'étais dit, ça m'arrivera pas, moi, je suis tous les cours qui vont m'être offerts, moi, okay. Être là. Moi, pas dire, moi, prendre le prochain, moi, être là. Fait que je me suis retrouvé en 1992, à cause de ça, avec le niveau 5, qui est le plus haut niveau au Canada pour tous les sports. Et puis moi, une des plus grandes réalisations que j'ai eues, c'est que j'étais à mon dernier cours, j'étais à Victoria, en Colombie-Britannique. Okay. C'était mon dernier des derniers. Puis, ce midi, je suis sorti sur la rue. Il y a trois gars du gouvernement du Québec, des fonctionnaires. Ils m'ont dit, Bernard, traverse-les, on a affaire à toi. Ils ont dit, au ministère, là, on a engagé là, toute la gang, là, sur un entraîneur de gymnastique, un entraîneur d'escrime, un entraîneur de haute voltige, nommez-les comme tu voudras, mais jamais personne n'aura mis 5 cents que le premier au Québec à obtenir son niveau 5, ça serait un gars de la boxe. Fait que pour moi, là, c'était le plus beau compliment que je pouvais pas avoir, parce que, tu sais, la boxe, on a tout le temps de l'aide d'une gang de petits pas fins, là, puis qui va pas être longtemps. C'est Éric Lucas qui a changé ça, là, on va se le dire. Là. Bon, ben, moi, les cours, là, j'ai suivi mon premier en 80, puis j'ai fini mon dernier en 92, j'ai été le premier à avoir le niveau 5 de tous les sports confondus. Fait que ça a mis des spotlights sur la boxe, en tout cas, je peux te dire de là, quoi. Là, tu parles de 92, bien fier de ça. Là, tu parles pas de 92. Puis là, dans ces années-là, Stéphane Ouellet, Éric Lucas commençaient à monter. Il y avait de la boxe ici même au Saguenay, je m'en rappelle très bien. T'étais-tu impliqué? Je sais que dans Hilton, on parlera pas dans Hilton parce que t'étais pas impliqué dans Hilton. Là. C'était plus en... C'est sûr, parce que... Mais Ouellet puis Lucas, t'étais-tu là-dedans? T'étais-tu dans le fond, j'ai été engagé à la Fédération de boxe en 1985. Yvon était engagé en 1980 comme directeur technique. Puis Yvon me suivait, hein, parce que là, il me voyait aller, puis il voyait que je suivais les cours, puis il voyait mes boxeurs. Puis à un moment donné, il y a eu un poste qui s'est ouvert comme coordonnateur à la Fédération. Un nouveau poste qui s'est ouvert, là. Moi, j'ai appliqué là-dessus. Ça n'était pas supposé être à moi qui était pour avoir ça. J'ai passé l'entrevue. J'ai fait ça là, j'ai scoré pas mal fort. J'avais des plans à finir pour la Fédération. Fait que finalement, je me suis ramassé avec ce travail-là en 1985. Et puis, je suis rentré à la Fédération. On était au Stade olympique. Et puis, en même temps, j'avais aussi la job d'être entraîneur-chef de l'équipe du Québec. Ça venait avec. Okay. Fait que la journée, j'étais dans le stade au bureau. Puis le soir, j'étais dans le gymnase à la Côte-de-Rivière. Okay. Fait que ça a décollé là. Qui m'a amené éventuellement à un poste comme entraîneur d'équipe du Canada. Que j'ai fait pendant 2 ans, 3 ans environ, avant d'avoir une promotion en fédération, que je rentrais dans le bureau, je m'en allais directeur des programmes de développement. Là, je me suis en allé là, un peu partout au Québec pour essayer d'avoir monté le plus de clubs possible, pour mettre le plus d'actions possible dans les régions. Donc, ça a été un beau défi, ça aussi, puis j'ai beaucoup d'amis un peu partout au Québec à cause de ça. Okay. Fait que, tu sais, tout ça, et là, ils vont, à peu près à la fin des années 80, début des années 90, avec Ouellet puis Lucas, décider d'aller chez les pros avec eux autres. Okay. Bon, fait que, bien entendu, on est les deux dans le même bureau, on est les deux dans le même gymnase. J'ai suivi avec lui, là, on a suivi ensemble, là, ce départ-là, là. Quand Lucas puis Ouellet ont signé chez les pros, là, qu'on a décidé qu'on y allait, là. Ça s'est réglé dans un restaurant. Il y avait moi, Yvon, puis ces deux-là. Ça s'est réglé comme ça, on a parti ça de même. Okay. Puis, Yvon, lui, s'impliquait comme entraîneur, alors que là, on ne voit pas faire le même job que les deux, là, parce que là, ça ne marchait pas. Surtout, à l'époque, on sait, en boxe olympique, tu ne pouvais pas être entraîneur amateur et entraîneur professionnel en même temps. Je ne sais pas, tu dois te rappeler de cette époque-là, là, que tu ne pouvais pas faire les deux. Moi, j'ai commencé à suivre, bien honnête avec toi, là, j'ai commencé à suivre la boxe avec Éric Lucas, qui est devenu champion du monde. Non, c'était bon. Wallet Hilton. Le premier combat, non, en fait, c'est pas vrai. Le premier combat que j'ai aimé la boxe, parce que moi, avant, je trouvais ça niaiseux, deux gars qui se tapent sur la gueule, puis c'est toute la frénésie Wallet Hilton. Que c'est vraiment là que je suis devenu un fan de boxe. Bon, ben, t'es devenu un fan, mais moi, je peux te dire de quoi, j'étais très impliqué, j'étais tout le temps là, à tous les combats. J'étais comme en charge un peu de l'organisation technique, un peu comme je fais encore, là, à un autre niveau. Ouais. Donc, on a parti ça là, puis j'étais à la fédération, puis à un moment donné, il est arrivé l'époque, si je choque les années, il est arrivé l'époque en 98, quand Yvon a une offre qu'il ne voit pas refuser avec M. Muleg pour partir Interbox. Ouais. Bon, fait que moi, à ce moment-là, Yvon partait comme directeur général de la fédération. Moi, j'étais en dessous. Fait que là, c'est à moi qui prenait sa place en par intérim. Mais là, Yvon, c'est venu tellement gros, cette affaire-là, un Interbox, avant que ça décolle. Puis, il me dit, Bernard, je peux pas m'en aller d'une grosse babelle-là sans que tu viennes m'aider. Là. Vous étiez des chums avant. Depuis longtemps, là, votre relation amitié, c'est en train de me compter que ça fait longtemps. Là, vous êtes des amis personnels. Comment que c'est des. Parce que là, t'es disons, bras droit. Hein? Pas bras droit. Je pourrais dire que c'est Jim, c'est. On est des associés, mais ce qui a fait le succès de notre relation, on a beaucoup de respect l'un et l'autre, beaucoup d'admiration aussi. Faut se mêler de ses affaires aussi souvent. Il faut que tu aies une confiance et se mêler de ses affaires. C'est ça qui est important. Absolument, mais moi, je suis pas capable de faire sa job. Je serais pas capable de faire la job du bon. Oublie ça. Fait que lui, là, il a vraiment senti de pression. La job qu'il fait, je suis pas capable de la faire, deux, je la veux pas. Puis lui, probablement, pas capable de faire ce que j'ai dit. C'est ça. On est deux gars bien différents. Fait que moi, c'est la job que je fais, là, il la veut pas, puis il est pas sûr qu'il serait capable de la faire non plus. Fait que dans le fond, on est un complément. Fait que c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'on a fait une si longue association, qu'on est encore ensemble depuis ce temps-là, qu'on a passé de la boxe amateur à la boxe professionnelle en disant c'est un beau défi, on va amener la boxe professionnelle à un autre niveau. On avait amené la fédération de boxe à un autre niveau. Puis on a toujours continué dans cette optique-là d'aller au top, puis on s'est rendu au top, puis je pense qu'on est encore là. Fait que c'est sûr que des fois, on a des différences, c'est tout à fait normal. Mais d'un côté, on a tellement de respect, puis on se pique pas ses pieds. Est-ce que fait les conjointes, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, on ne parle jamais des conjointes, mais est-ce que les conjointes se respectent l'un et l'autre aussi? Parce que souvent, tu sais, dans une relation d'amitié, t'as la conjointe aussi qui est en arrière. Souvent, c'est important aussi que la conjointe se mêle de ses affaires là-dedans aussi. Ah, ben écoute, moi c'est sûr que de mon côté, là, ça fait 51 ans que je suis avec la même femme, fait que faut croire que ça va bien. Okay. Puis elle m'a laissé des folies, elle m'a laissé aller à mes folies, elle m'a... Non, mais je te parle de la relation qu'ils peuvent avoir entre conjoints. T'sais, souvent, ça devient des amis de couple. C'est important aussi que tout le monde se respecte et tout le monde se mêle de ses affaires aussi, tu comprends? Ah ben oui, c'est absolument. En tout cas, regarde, faut croire qu'on a réussi parce qu'on est encore là, puis on est loin d'être fini. Bernard, c'est pas mal, on va faire une pause et pas mal intéressant, t'es pas mal un bon raconteur. On va faire un peu comment tu vois ça l'avenir, comment tu vois ça également, t'entends-tu faire ça longtemps? Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. En ces temps de festivités, tout le personnel et la direction des Électriciens du Nord profitent de l'occasion pour remercier leur clientèle et souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Paix, santé, bonheur et liberté. Ce sont les vœux du propriétaire Ghislain Tremblay qui vous invite pour vos différents travaux en électricité pour la prochaine année. L'estimation est gratuite. Les Électriciens du Nord, au 1025 Première Rue, à l'Ascension, au 418-347-5103. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien. 418. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Appelé évidemment au tout début de la radio sport, puis ainsi de suite. Comment ça a commencé? Parce que ça a commencé qu'ils vont, tout à fait par hasard se retrouver à Radio-Canada. Je dis par hasard parce que c'était les Jeux d'hiver du Canada en 1983 plutôt, à Chicoutimi. Et ouais. Puis. C'est 81, les Jeux d'hiver du Canada en 83. OK, c'est bon. Dani, tu vérifieras 183. Okay. Parce que c'est aux 4 ans les Jeux d'hiver du Canada. Les suivants étaient en 87 oui. au Cap-Breton, en oui. 2001 à l'Île-du-Prince-Édouard, puis je peux continuer de même, en 2005 okay. à Grande-Prairie. Je les ai tous dans la tête, je suis allé partout. OK, c'est bon. 80, c'est... T'as raison. Hey, tu ne me pogneras pas, Dani. C'est que c'est en 83. C'est parce que je me mêlais avec les Jeux du Québec ici qui est en 85. Pensais-tu une poignée pour le OK, c'est beau, continue. Fait que, puis là, ça a commencé de même. Oui, ça a commencé de même. Ben Yvon, il était là comme directeur technique. Moi, j'étais là comme entraîneur pour Benjamin Poilu, qui était là en finale contre qui? Contre la Nox Lewis. Okay. Ça te donne une idée du monde de la boxe. Là. À ce moment-là, le Nox Lewis, il était pas connu comme on connaissait pas sa carrière à venir. Bon, fait que finalement... Yvon, ben Camille Dubé puis son analyste, il y avait une grosse tempête d'enfer. Puis Yvon est passé à côté du ring, puis il y a quelqu'un qui criait dans les écouteurs. Là, y a-tu quelqu'un? Yvon, pogne les écouteurs, c'est quoi? Y a-tu quelqu'un? C'est qui, toi? Fait que, il dit, je suis le directeur technique de la fédération, puis je suis ici pour marcher là, les rues d'hiver. Il dit, t'es-tu capable de parler à la télé? Ouais, moi, je peux bien m'asseyer. Fait que ça a commencé comme ça. T'avais-tu la jasette un peu comme ça? T'étais-tu, ça a-tu été naturel? Ben là, c'est Yvon. Moi, je te parle, c'est Yvon qui était le précurseur avec cette histoire-là. Fait que Radio-Canada l'a trouvé tellement bon que l'année d'après, il l'a emmené aux Jeux Olympiques de Los Angeles à la radio avec Camille Dubé. Ouais. À la radio. Okay. Puis finalement, Yvon a fait jusqu'à la fin des années 80 avec Radio-Canada. Puis moi, bien entendu, moi, à un moment donné, Yvon, on ne pourra pas tout faire non plus. Fait que j'ai fait les héros du samedi, l'univers des sports, qui étaient les émissions du samedi puis du dimanche à Radio-Canada. J'ai commencé à m'infiltrer pour... J'étais à la Fédération, fait que c'était comme un peu normal que je me mêle de ça avec Camille Dubé. Fait que quand Yvon est parti en 89 pour aller à RDS, parce qu'il y a eu une offre encore là, qu'il ne pouvait pas refuser, bien moi, Radio-Canada, le lendemain, m'appelait. Puis on dit, Bernard, écoute, ils vont partir. Là. Fait que c'est toi. Si t'es intéressé, nous autres, on travaille avec toi. Fait que finalement, c'est la partie de même. OK. Bon, ma prochaine question. T'entends-tu faire ça longtemps encore? Écoute, j'imagine que la boxe, t'as vécu les belles années de la boxe. Il y a encore, t'as vécu le Lucien Bouté, t'as vécu Eric Lucas, t'as vécu, nomme-les toutes, là. Au moment où on enregistre le podcast, Arthur Beterbiev a remporté Marie-Ève Diquer. Il y a encore Magmoudov, c'est pas la même quand même, c'est pas la même compagnie, mais t'as quand même Marie-Ève Diquer sur puis il y a d'autres bons prospects qui s'en viennent également. Toi, t'entends-tu faire ça longtemps encore? Oui, sincèrement là, je me vois pas arrêter. J'ai trop de fun à faire ça. C'est de la pression, c'est l'enfer. Des fois, tu dors mal. Mais moi, c'est une passion. Moi, je me couche ce soir, je pense à la boxe. Je me lève le matin, je passe à la boxe. Puis ça, c'est pas fin là, pour mon monde alentour parce que moi, je suis conseiller municipal à Saint-Hyacinthe depuis 34 ans. 34 ans que je suis conseiller municipal. Je m'en vais là. Quand j'ouvre le téléphone, là, je m'en vais à l'hôtel de ville. Bon, j'aime bien ça, politique, mais j'aime encore plus la boxe. Je suis un passionné de boxe. Fait que moi, si tu me dis demain, là, tu vas-tu arrêter, prendre ta retraite? Non. Non, là, moi, m'arrêter quand j'aurai plus rien, là, quand il n'y aurait plus personne de me faire confiance. Mais moi, là, je m'attends à rester là. Et puis, à rester là longtemps. Je voulais juste te dire aussi, Danny, tout à l'heure, j'ai parlé d'Alfred Lagacé, mais finalement, le premier combat que j'ai vu, c'était Rick Zabartani contre Jean-Guy Binet. Zabartani contre Jean-Guy Binet. J'ai jamais entendu parler de ça. Alfred Lagacé, je l'ai eu dans les combats qui ont suivi, là, dans les shows que je suis allé après. Fait que j'étais induit en erreur. Mais le premier combat que j'ai vu, c'est Zabartani contre Binet. Qui était pas des grandes vedettes loin de là, puis ça t'approchait plus que d'autres choses, puis c'est eux autres qui m'ont donné le coup à la boxe. Fait que je veux juste préciser, là, Alfred Lagacé, je l'ai peut-être vu à mon deuxième show, c'est-tu troisième show. C'est-tu des boxeurs? Parce que moi, j'aime ça faire de la comparaison avec des joueurs d'hockey, tu sais, puis des joueurs de football. Je suis plus un fan de football, d'hockey, puis j'arrive souvent, je pose des questions, exemple, poser une question, Terry Bradshaw, Ben Roethlisberger, c'est au football, là, ça vient plus. Mais est-ce que ces boxeurs-là, aujourd'hui, auraient fait de carrière aujourd'hui? Mais là, aujourd'hui, là, ça aurait été des boxeurs intéressants? Ben, pas les deux que j'ai nommés, eux autres étaient en sous-carte, puis ils n'ont pas eu des grandes carrières. Ouais, mais t'as des boxeurs en sous-carte aussi. Ouais, mais t'as des boxeurs en sous-carte aussi. Qui je peux te nommer? Je peux te nommer Sébastien Bouchard, je peux te nommer vite de même des boxeurs, Sébastien Gauthier, ça a été des boxeurs qui ont fait des finales. Ouais, ben, Sébastien Bouchard et Sébastien Gauthier, là, à part le premier, deuxième combat, ils ne boxaient pas premier sur une carte. Okay. Ils boxaient à troisième, quatrième, ça approchait des demi-finales. Ouais, mais c'est ça, mais c'est des boxeurs. Moi, je t'ai nommé deux gars là, qui auraient condamné à boxer en début de programme. Là, ben, je ne regarde pas les boxeurs de premier et de deuxième. Là, je ne regarde pas. Là, je regarde plus les sous-cartes. Mais est-ce que les boxeurs de sous-cartes, mettons, dans les années 80, aurais-tu pu être des boxeurs de sous-cartes aujourd'hui? Ah ben oui, parce que dans le sous-carte, regarde-moi, la gang de Mexicains qu'on fait amener, là, des fois, là, on a le goût de broyer notre vie. C'est des gars, ils ont des belles fiches, ça arrive là, puis ça fait pas. Je te donne le plus bel exemple. Marie-Anne Duquerre, elle m'a dit un matin, elle a fait une entrevue un matin, au moment où on lance le podcast, c'est le 20 décembre, donc ça va probablement passer autour du 30 décembre, là, le podcast, mais Marie-Anne me l'a dit. Elle a dit, je suis pas nécessairement fier du combat, là. Ben regarde, je te donne un exemple. Là. Regarde, ouais. On va faire venir un Mexicain, il a une belle fiche, une fiche de. Le gars, c'est un toss, il peut faire mal, là, 28 victoires, 20 knockouts. Là, il arrive ici, il est booké avec Joukoun Baïev à 145 livres. Ouais. Là, le matin, je reçois le call, le matin de la pesée, c'est plus ça. Là, ils sont en train de renégocier parce que là, le Mexicain, il ne prend pas de poids, puis il n'est pas content, ça ne va pas s'en voir chez eux, puis il ne boxe pas, puis le paquet de troubles est pogné. 152 livres. On change les contrats, je chaîne les contrats. Initial, 152 avec Guigui, on s'en va à 152. Il embarque sa balance à 158. Hey, ça nous tente-tu, nous autres, de leur retourner chez eux? Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait contre Joukoun Baïev? Une coupe de table sur la gueule, ça finit là. Ah. Mais ça, on peut pas prévoir ça. Comment on peut prévoir ça? On va pas aller au Mexique regarder qu'est-ce qu'il fait, lui, là. Tu sais, faut faire confiance. Mais tu vois ses vidéos? Tu vois des vidéos, j'imagine? Ben ouais, mais les vidéos, là, quand il était sur la vidéo, il se démet en maudit, là, puis il se battait. C'est sûr qu'il ne nous montre pas les pires affaires. Ah, oh, ben. À 158 livres, là, m'a dit, là, c'est son 8 livres, là, il était pas dans les muscles, là. Okay. Son 8 livres, il était en poignée d'amour. OK, ah, c'est sûr. Hey, mais c'est incroyable, pareil. Tu sais, tu sors des noms, des fois, t'as une mémoire incroyable aussi. Je me rappelle, là, des fois, on fait des combats, je te rappelle pour des analyses de boxe, puis tu me sors des noms, des fois, qu'un tel a boxé contre un tel. T'as une mémoire d'enfer aussi, Bernard. Ben, ça fait partie de mes côtés. J'ai été béni, moi, pour ça. La vie m'a donné ce cadeau-là d'une mémoire qui est un petit peu hors norme pour ce que je fais, ce qui m'intéresse. Bon, je ne vais pas faire le modeste là-dedans. Effectivement, des fois, j'ai des flashs. Bon, c'est sûr qu'avec les années, je vais sûrement en perdre, mais là... J'en perds, puis j'ai rien que 49 ans. Mon ordinateur est comme plein, là, des fois, là. Ben là, mon ordinateur dans mon cerveau fonctionne encore très bien. OK. Bernard, il me reste qu'à te souhaiter une bonne année 2022. C'est de la santé, du bonheur, de la prospérité. Puis au plaisir de se parler avec l'actualité de la boxe, l'exige. Ben, t'es bien gentil, Danny. Je te souhaite la même chose. Puis à nos auditeurs aussi. Ça fait quand même, comme tu as dit, 13 ans qu'on leur parle. Là, parce que c'est souvent, probablement. En tout cas... Tant mieux, suivez-nous. Moi, j'espère en tout cas de d'aider à vous rendre ça intéressant. Notre ami Bernard Varé qui nous parlait de...